بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir.